Et en effet, là-haut, l'apparition brusque des petites clartés continuait avec une régularité mécanique, comme si quelque céleste source inépuisable eût ainsi déversé cette poussière de soleil. La tête de la procession venait d'atteindre les jardins, à la hauteur de la Vierge couronnée, de sorte que la double ligne de flammes ne dessinait encore que la courbe des toitures du rosaire et celle de la grande rampe d'accès. Mais l'approche de la multitude se faisait sentir dans une agitation de l'air, un souffle vivant venu de loin. Et surtout, les voix grossissaient, la complainte de Bernadette s'enflait avec une clameur de marée montante qui roulait le refrain. Ave, ave, ave Maria, dans un bercement rythmique de plus en plus haut. Ah, ce refrain, murmura Pierre, il vous entre dans la peau. Il me semble que tout mon corps finit par le chanter. De nouveau, Marie eut son léger rire d'enfant. C'est vrai, il me suit partout. Je l'entendais en dormant l'autre nuit. Et ce soir, il me reprend. Il me berce au-dessus de terre. Elle s'interrompit pour dire « Les voilà de l'autre côté de la pelouse, en face de nous !» La procession, alors, suivit la longue allée droite. Puis, après avoir tourné à la croix des Bretons, autour de la pelouse, elle redescendit par l'autre allée droite. Il fallut plus d'un quart d'heure pour exécuter ce mouvement. Et à présent, la double ligne descendait deux longs traits de flammes parallèles que surmontait une figure de soleil triomphale. Mais le continuel émerveillement, c'était la marche ininterrompue de ce serpent de feu, dont les anneaux d'or rampaient si doucement sur la terre noire, s'allongeaient, sans que jamais l'immense corps déployé parût finir. Plusieurs fois, des poussées devaient s'être produites, les lignes fléchissaient, comme près de se rompre. Et l'ordre s'était rétabli, le glissement avait repris, d'une régularité lente. Au ciel, il semblait y avoir moins d'étoiles. Une voie lactée était tombée de là-haut, roulant son poudroiement de monde, et qui continuait sur la terre la ronde des astres. Une clarté bleue ruisselait. Il n'y avait plus que du ciel. Les monuments et les arbres prenaient une apparence de rêve dans la lueur mystérieuse des milliers de cierges dont le nombre croissait toujours. Marie eut un soupir étouffé d'admiration et elle ne trouvait pas de phrase. Elle répétait « Que c'est beau, mon Dieu! Que c'est beau! Voyez donc, Pierre, que c'est beau !» Mais depuis que la procession défilait à quelques pas d'eux, elle n'était plus seulement une marche rythmée d'étoiles que nulle main ne portait. Dans la nuée lumineuse maintenant, il distinguait les corps, il reconnaissait par moments au passage les pèlerins qui tenaient les cierges. D'abord ce fut la grivotte, qui avait voulu être de la cérémonie, malgré l'heure tardive, exagérant sa guérison, répétant qu'elle ne s'était jamais mieux portée. Et elle gardait son allure exaltée et dansante, sous la nuit fraîche qui lui donnait un frisson. Puis les vignerons parurent, le père en tête, avec son cierge qu'il portait très haut, suivi de Madame Vigneron et de Madame Chaise, traînant leurs jambes lasses, tandis que le petit Gustave, exténué, tapait le sable de sa béquille, la main droite couverte de gouttes de cire. Tous les malades valides étaient là, Élise Rouquet, entre autres, qui passa comme une apparition de damnée, avec sa face nue et rouge. Beaucoup riaient. La petite miraculée de l'année précédente, Sophie Couteau, s'oubliait, jouait avec son cierge comme avec un bâton. Des têtes toujours se succédaient. Des femmes surtout, bassement communes, parfois d'une expression superbe, qu'on entrevoyait une seconde et qui se noyaient sous l'éclairage fantastique. Et cela ne finissait pas, et il en venait d'autres sans cesse. Et ils remarquèrent encore une petite ombre noire très discrète, Madame Maz, qu'ils n'auraient point reconnue si elle n'avait levé un instant sa face pâle, inondée de larmes. « Regardez, expliqua Pierre à Marie, voici les premières lumières de la procession qui arrive sur la place du Rosaire. Et je suis bien certain que la moitié des pèlerins est encore devant la grotte. » Marie avait levé les yeux. Là-haut, en effet, du coin gauche de la basilique, elle vit d'autres lumières surgir, régulières et sans relâche, dans cette sorte de mouvement mécanique qui semblait devoir ne jamais s'arrêter. « Ah ! Dit-elle, que d'âmes en peine ! Chacune de ces petites flammes, n'est-ce pas, est une âme qui souffre et qui se délivre. » Pierre devait se pencher afin de l'entendre, car le cantique, la complainte de Bernadette, les étourdissait depuis que le flot passait si près d'eux. Les voix éclataient dans un vertige grandissant, les couplets s'étaient peu à peu mêlés, chaque tronçon de la procession chantait le sien, d'une voix de possédés qui ne s'entendaient plus eux-mêmes. Et c'était une immense clameur indistincte, la clameur éperdue d'une foule que l'ardeur de sa foi achevait de griser. Et, quand même, le refrain « L'Ave, Ave, Ave Maria » revenait, dominait, avec son rythme d'obsession frénétique. Brusquement, Pierre et Marie furent étonnés de revoir M. de Guersin. « Ah, mes enfants, je n'ai pas voulu m'attarder là-haut. Je viens de couper la procession à deux reprises pour passer. Mais quel spectacle ! C'est à coup sûr la première très belle chose à laquelle j'assiste depuis que je suis ici. » Et il se mit à leur décrire la procession, vue des hauteurs du calvaire. « Imaginez, mes enfants, un autre ciel, en bas, reflétant celui d'en haut. » Mais un ciel qu'une seule constellation, géante, tient tout entier. Ce fourmillement d'astres a l'air perdu très loin dans des profondeurs obscures. Et la coulée de feu représente un ostensoire. Oui, un véritable ostensoire, dont le pied serait dessiné par les rampes, la tige par les deux allées parallèles, l'hostie par la pelouse ronde qui les couronne. C'est un ostensoire d'or brûlant qui flambe au fond des ténèbres avec un perpétuel scintillement d'étoiles en marche. Il n'y a que lui. Il est gigantesque et souverain. En vérité, je n'ai jamais rien vu de si extraordinaire. Il agitait les bras. Il était hors de lui, débordant d'une émotion d'artiste. « Petit père, » dit Marie tendrement, « puisque te voilà, tu devrais bien aller te coucher, il est près de 11 heures, et tu sais que tu dois partir à 3 heures du matin. » Elle ajouta pour le décider, « Cela me cause tant de plaisir que tu fasses cette excursion. Seulement, sois de retour de bonne heure demain soir, parce que tu verras, tu verras. » Et elle n'osa pas affirmer la certitude qu'elle avait de guérir. « Tu as raison, je vais aller me mettre au lit, » dit Monsieur de Guersin, calmé. « Puisque Pierre est avec toi, je n'ai pas d'inquiétude. »« Mais, » s'écria-t-elle, « je ne veux pas que Pierre passe la nuit. Quand il m'aura conduite à la grotte tout à l'heure, il te rejoindra. Moi, je n'aurai plus besoin de personne. Le premier brancardier venu me ramènera bien à l'hôpital demain matin. » Pierre se taisait, puis simplement, « Non, non, Marie, je reste. Je passerai, comme vous, la nuit à la grotte. » Elle ouvrit la bouche pour insister, pour se fâcher. Mais il avait dit cela si doucement. Elle venait d'y sentir une soif si douloureuse de bonheur qu'elle garda le silence, remuée jusqu'au fond de l'âme. « Enfin, mes enfants, reprit le père, arrangez-vous. Je sais que vous êtes très raisonnables tous les deux. Et bonne nuit, n'ayez aucun souci de moi. » Il embrassa longuement sa fille, serra les deux mains du jeune prêtre. Puis il s'en alla, se perdit dans les rangs pressés de la procession qu'il dut traverser de nouveau. Alors, ils furent seuls dans leur coin d'ombre et de solitude, sous les grands arbres. Elle, toujours assise au fond de son chariot, lui, agenouillé parmi les herbes, appuyé du coude à l'une des roues. Et ce fut adorable, pendant que le défilé des cierges continuait et qu'ils se massaient tous en tournoyant sur la place du rosaire. Ce qui le ravissait, c'était que rien ne semblait rester au-dessus de Lourdes des godailles de la journée. On aurait dit qu'un vent purificateur était venu des montagnes, qui avait balayé l'odeur des fortes nourritures, les joies goulues du dimanche, toute cette poussière brutale et empestée de fêtes foraines flottant sur la ville. Il n'y avait plus qu'un ciel immense, aux étoiles pures, et la fraîcheur du Gave était délicieuse, et les souffles errants apportaient des parfums de fleurs sauvages. L'infini du mystère se perdait dans la paix souveraine de la nuit. Il ne demeurait de la matière lourde que ces petites flammes des cierges, comparées par sa compagne à des âmes souffrantes en train de se délivrer. Cela était d'un repos exquis et d'un espoir sans limite. Depuis qu'il se trouvait là, les souvenirs blessants de l'après-midi, les appétits voraces, la simonie impudente, la vieille ville gâtée et prostituée, s'en allaient peu à peu, pour ne la laisser qu'à ce rafraîchissement divin, à cette nuit si belle où tout son être se baignait comme dans une eau de résurrection. Marie, elle aussi, pénétrée d'une infinie douceur, murmura « Ah, comme Blanche serait heureuse de voir toutes ces merveilles !» Elle songeait à sa sœur, restée à Paris, dans le tracas de son dur métier d'institutrice courant le cachet. Et ce simple mot, cette sœur dont elle n'avait pas parlé depuis son arrivée à Lourdes, et qui surgissait là, inattendue, venait de suffire pour évoquer tout le passé. Marie et Pierre, sans parler, revécurent leur enfance, les jeux d'autrefois, dans les deux jardins mitoyens qu'une haie vive séparait. Ensuite, ce fut la séparation, le jour où il entra au séminaire et où elle le baisa sur les joues avec des larmes brûlantes en jurant de ne l'oublier jamais. Des années passaient et ils se retrouvaient éternellement séparés, lui prêtre, elle clouée par la maladie, n'ayant plus l'espoir d'être femme. C'était toute leur histoire, une tendresse ardente qui s'était longtemps ignorée, puis une rupture totale, comme s'ils fussent morts, bien qu'ils vécussent l'un près de l'autre. Ils revoyaient maintenant le logement pauvre où la sœur aînée, avec ses leçons, tâchait de mettre un peu de bien-être. Ce logement pauvre d'où l'on était parti pour venir à Lourdes, après tant de combats, tant de discussions, ses doutes à lui, sa foi passionnée à elle, qui avait vaincu. Et cela a été vraiment délicieux, de se retrouver ainsi ensemble, tout seul, dans ce coin de ténèbres, par cette admirable nuit où il y avait sur la terre autant d'étoiles qu'au ciel. Marie, jusque-là, avait gardé une petite âme d'enfant, une âme blanche, comme disait son père, la meilleure et la plus pure. Frappée par le mal dès l'âge de 13 ans, elle n'avait plus vieilli. Aujourd'hui, à 23 ans, elle avait 13 ans toujours, restée enfantine, repliée sur elle-même, tout à la catastrophe qui l'anéantissait. Cela se voyait à ses yeux vides, à son expression d'absence, à son air de continuelle hantise, dans l'incapacité où elle était de vouloir autre chose. Et aucune âme de femme n'était plus simple, arrêtée en son développement, demeurait l'âme d'une grande fille sage, chez qui la passion, à son éveil, se contente de gros baisers sur les joues. elle n'avait eu d'autre roman que l'adieu en larmes fait à son ami. Et cela suffisait depuis 10 années pour lui emplir le cœur. Pendant les interminables jours qu'elle avait passés sur sa couche de misère, elle n'était jamais allée au-delà de ce rêve, que, si elle s'était bien portée, lui, sans doute, ne se serait pas fait prêtre pour vivre avec elle. Jamais elle ne lisait de romans. Les livres pieux qu'on lui permettait l'entretenaient dans l'exaltation d'un amour surhumain. Même les bruits du dehors venaient expirer à la porte de la chambre où elle vivait cloîtrée. Et autrefois, quand on la promenait d'un bout de la France à l'autre, de ville d'eau en ville d'eau, elle traversait les foules en somnambule, qui ne voit et n'entend rien, possédée par l'idée fixe de sa déchéance, du lien qui nouait son sexe. De là, cette pureté et cet enfantillage, cette adorable fille de souffrance, grandie dans sa triste chair, tout en ne gardant au cœur que l'éveil lointain, l'amour ignoré de ses 13 ans. La main de Marie, au milieu des ténèbres, chercha celle de Pierre. Et quand elle l'eut rencontrée, qui venait au-devant de la sienne, elle la serra longuement. Ah, quelle joie! Jamais ils n'avaient goûté une joie si pure et si parfaite, à être ainsi ensemble, loin du monde, dans ce charme souverain de l'ombre et du mystère. Autour d'eux, il n'y avait plus que la ronde des étoiles. Les champs berceurs étaient comme le vertige même, si ailés qui les emportaient. Et elle savait bien qu'elle serait guérie le lendemain, quand elle aurait passé une nuit d'ivresse devant la grotte. C'était une absolue conviction. Elle se ferait entendre de la Sainte Vierge. Elle la fléchirait, du moment qu'elle serait seule, face à face, à l'implorer. Et elle comprenait bien ce que Pierre voulait dire tout à l'heure, lorsqu'il avait exprimé le désir de passer, lui aussi, devant la grotte, la nuit entière. N'était-ce pas qu'il était résolu à tenter un suprême effort de croyance, qu'il allait s'agenouiller comme un petit enfant, en suppliant la mère toute puissante de lui rendre la foi perdue? Maintenant encore, sans qu'ils eussent besoin de parler davantage, leurs mains unies se répétaient ces choses. Ils se promettaient de prier l'un pour l'autre. Ils s'oubliaient jusqu'à se perdre l'un dans l'autre. Avec un si ardent désir de leur guérison, de leur bonheur mutuel, qu'ils touchèrent là un instant le fond de l'amour qui se donne et qui s'immole. Ce fut une jouissance divine. Ah ! Murmura Pierre, cette nuit bleue, cet infini d'ombre qui emporte la laideur des gens et des choses, cette paix immense et fraîche où je voudrais endormir mon doute. Sa voix s'éteignait. Marie, à son tour, dit très bas, « Et les roses, ce parfum des roses, ne les sentez-vous pas, mon ami? Où sont-elles donc que vous ne les avez pas vues ?»« Oui, oui, je les sens, mais il n'y a pas de roses. Je les aurais vues certainement, car je les ai bien cherchées. » « Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de roses quand elles embaument l'air autour de nous et que nous baignons dans leur parfum? Tenez, à certaines minutes, ce parfum est si puissant que je me sens défaillir de joie à le respirer. Elles sont là, certainement, innombrables, sous nos pieds. Non, je vous le jure, j'ai regardé partout, il n'y a pas de roses. » Ou bien il faut qu'elle soit invisible, qu'elle soit cette herbe même que nous foulons, ces grands arbres qui nous entourent, que leur odeur sorte de la terre et du torrent voisin et des bois et des montagnes. » Ils se turent un instant. Puis elle reprit de la même voix très basse. « Comme elles sentent bon, Pierre! Il me semble que nos deux mains unies sont là ainsi qu'un bouquet. » Oui, elles sentent adorablement bon. Et c'est de vous, Marie, que l'odeur monte à présent, comme si les roses fleurissaient de vos cheveux. » Et ils ne parlèrent plus. La procession défilait toujours. Des étincelles vives apparaissaient toujours au tournant de la basilique, jaillissant de l'obscurité comme d'une source inépuisable. L'immense coulée des petites flammes en marche, dans son double circuit, rayait l'ombre d'un ruban de braise. Mais surtout, le spectacle était sur la place du Rosaire, où la tête de la procession, continuant son évolution lente, se repliait sur elle-même, en un cercle de plus en plus étroit, une sorte de tournoiement obstiné qui achevait d'étourdir les pèlerins, brisés de fatigue et d'exaspérer leurs chants. Bientôt, la ronde ne fut plus qu'une masse brûlante, un noyau de nébuleuse, autour duquel venait s'enrouler le ruban de braise, dont le bout semblait ne devoir jamais finir. Et le noyau s'élargissait. Il y eut une mare, puis un lac. Toute la vaste place du Rosaire se changeait en une mer incendiée, roulant ses petits flots étincelants dans le vertige de ce tourbillon sans fin. Un reflet d'aurore blanchissait la basilique. Le reste de l'horizon tombait à une obscurité profonde. On ne voyait, à l'écart, que quelques cierges perdus cheminaient seuls, ainsi que des lucioles cherchant leur route à l'aide de leurs petites lanternes. Sur le mont du Calvaire, pourtant, une queue vagabonde de la procession devait être montée, car des étoiles voyageaient aussi là-haut, en plein ciel. Enfin, un moment arriva où les derniers cierges parurent, firent le tour des pelouses, coulèrent et se noyèrent dans la mer de flammes. 30 000 cierges y brûlaient, tournant toujours, attisant leur brasillement sous le grand ciel calme où pâlissaient les astres. Une nuée lumineuse s'envolait avec le cantique, dont l'obsession n'avait pas cessé. Et le grondement des voix, les « Ave, Ave, Ave Maria » était comme le crépitement même de ces cœurs de feu qui se consumaient en prière pour guérir les corps et sauver les âmes. Un à un, les cierges venaient de s'éteindre. La nuit retombait souveraine, très noire et très douce, lorsque Pierre et Marie s'aperçurent qu'ils étaient encore là, cachés sous le mystère des arbres, la main dans la main. Au loin, par les rues obscures de Lourdes, il n'y avait plus que des pèlerins égarés, demandant la route pour retrouver leur lit. Des frôlements traversaient l'ombre, tout ce qui rôde et s'endort à la fin des jours de fête. Et eux s'oubliaient, ne bougeaient toujours pas, délicieusement heureux, dans l'odeur des roses invisibles.